Guirao de Bourneil, Aube, Alba, Rei Glorius, Vera Lumes Eclartats. Rei Glorius, Vera Lumes Eclartats, Deus Poderus, Seigneur, si a vos plats, al meu compagne, si a fisels ajuda, que nous l'ouvi, pos la noz fu venguda, et ades, sera l'alba. Bel compagnou, si durmat ou velias, nous durmat plus, suavus recidats, que nous rien veilleste la creguda qu'amène al jour, que ou l'ai ben coneguda, et ades sera l'alba. Bel compagnou, en chantant vous appelle, nous durmat plus, que ou aut chantar l'ausel, que vai querer le jour per le buscage, et ai paur que le gilus vous assage, et ades sera l'alba. Bel compagnou, essayez al fenestrel, et desgardat la gentille del ciel, que nous serez si vous suffisez le message, si nous nous faites, vostres de lo damnage, et ades sera l'alba. Bel compagnou, pos mi parti de vous, eu nous dormin in mocte genulius, ans preget Dieu lo fil Santa Maria, que us mi rendes per legial compagnia, et ades sera l'alba. Bel compagnou, la force aspeirus me pregiavas que nous fus dormilus, et nous veillez tout à noche, trop al dia, aras nous plasmut chans, ni ma paria, et ades sera l'alba. Belsus compagnes, tant une enric sujour, que nous vogla mais fus alba ni jour, car la gensur que anc nasques de maire tenc et abrasse, perché nous presigaire lo folgi lus ni l'alba.